Bonjour tout le monde, c'est Molly encore et maintenant je parle français en lieu de l'anglais parce que j'aime le français beaucoup. Je pense que le français est une langue très magnifique et oui, maintenant il est 2h au matin et hier je suis allée chez Benjamin et oui, nous, oui, je ne sais pas, I hate my life.